Eh bien, à moi, au marché, on a voulu m'englauder aussi, pour me faire dire, si je lui voyais passer sa chemise, cette farce. Tiens, dit-elle en s'interrompant, voilà 10 heures quand moins qui sonnent au Val-de-Grâce, et personne ne bouge. Ah bah, ils sont tous sortis. Madame Couture et sa jeune personne sont allés manger le bon Dieu à Saint-Étienne dès 8 heures. Le père Goriot est sorti avec un paquet. L'étudiant ne reviendra qu'après son cours, à 10 heures. Je les ai vus partir en faisant mes escaliers, que le père Goriot m'a donné un coup avec ce qu'il portait, qui était dur comme du fer. Qu'est-ce qu'il fait donc ce bonhomme-là? Les autres le font aller comme une toupie, mais c'est un brave homme tout de même, et qui vaut mieux que tous. Il ne donne pas grand-chose, mais les dames chez lesquelles il m'envoie quelquefois allongent de fameux pourboires, et sont joliment ficelées. Celles qu'il appelle ses filles, hein? Elles sont une douzaine. Je ne suis jamais allé que chez deux, les mêmes qui sont venus ici. Voilà madame qui se remue. Elle va faire son sabbat. Faut que j'y aille. Vous veillerez au lait, Christophe. Rapport au chat. Sylvie monta chez sa maîtresse. Comment, Sylvie? Voilà 10 heures quart moins. Vous m'avez laissé dormir comme une marmotte. Jamais pareille chose n'est arrivée. C'est le brouillard qui est à couper au couteau. Mais le déjeuner? Bah, vos pensionnaires avaient bien le delbocor. Ils ont tous décanillé, dit le patron Jaquette. Parle donc bien, Sylvie, reprit Madame Vauquet. On dit le patron Minette. Ah, madame, je dirai comme vous voudrez. Tant il y a que vous pouvez déjeuner à 10 heures. La michonnette et le poireau n'ont pas bougé. Il n'y a qu'eux qui sont à la maison, et ils dorment comme des touches qui sont. Mais, Sylvie, tu les mets tous les deux ensemble comme si. Comme si quoi? Reprit Sylvie, en laissant échapper un gros rire bête. Les deux font la paire. C'est singulier, Sylvie. Comment M. Vautrin est-il donc rentré cette nuit après que Christophe a eu mis les verrous? Bien au contraire, madame. Il a entendu M. Vautrin et est descendu pour lui ouvrir la porte. Et voilà ce que vous avez cru. Donne-moi ma camisole et va vite voir au déjeuner. Arrange le reste du mouton avec des pommes de terre et donne des poires cuites, de celles qui coûtent 2 lire la pièce.